bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bonjour, bonjour! Allô, allô! Bienvenue dans le Lobster 155 et je suis où? Je suis à mon piano! Pourquoi je suis à mon piano? Bien, il faut bien fêter. C'est qui vient de remporter les élections aux États-Unis, hein? Je suis sûr que vous êtes tous contents, là, de la victoire de Trump. Donc, on fête? Mais oui, on fête. La finale, mais quand même. C'est une chanson que j'ai pas jouée depuis très, très longtemps. Qu'est-ce que je pourrais vous jouer d'autre? Ah oui, The Roses. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, je suis parti marcher dehors. Je suis blessé encore à la jambe, là, mais le physio m'a donné des exercices à faire, puis je pense que ça aide. J'étire le muscle. Mon problème serait nerveux. Je ne sais pas si on va avoir besoin de m'opérer pour ça, mais pour l'instant, je fais les exercices qui me donnent là, d'étirer le muscle, puis ça me permet de marcher de plus en plus sans avoir de douleur, fait que j'ai l'impression que ça marche. Puis là, ce matin, je suis parti, je suis allé à la bibliothèque, parce qu'ils ont fait accorder leur piano. Il y a un piano dans ma bibliothèque, puis on a le droit de jouer là, quand il n'y a pas d'activité. Puis ça me permet de faire des concerts aux gens qui sont là. Je joue devant les gens qui, eux, sont en train d'essayer de lire. Puis moi, je tape sur le vieux piano. Puis finalement, ça me fait réaliser que mon piano à la maison, il est vraiment merveilleux comparé à ce piano-là là, à la bibliothèque. À la bibliothèque, le retour des touches est vraiment merdique. Là. Il y a des touches que je pèse, puis ça sonne à rien. Je suis obligé de peser vraiment fort pour avoir un son. Ça veut dire que le marteau à l'intérieur du piano est brisé. Puis moi, en plus, mon piano à la maison... Quand je joue, ça joue fort. Moi, c'est un piano de concert droit. Puis là, en plus, j'ai ouvert le dessus là, pour que ça sonne bien. Donc, c'est ça. Ça m'amuse d'aller jouer, aller me pratiquer à la bibliothèque parce que j'essaie de bien jouer. Je suis un petit peu nerveux quand je joue devant les gens qui sont là. Puis donc, je me force là, à bien jouer. Donc voilà. OK, j'essaie de vous jouer la chanson de Rose que j'ai pas jouée depuis longtemps. Faut que j'essaie de voir si je m'en souviens. Thank you. manqué un petit bout, puis j'ai manqué la plus belle partie. OK, on essaie d'en refaire. Ça, c'est sol. OK, on recommence. On recommence ici. Partie qui décolle avec un ré et j'ai fait un mi. Oh là là. OK, quelle autre chanson je peux vous jouer? Ah, j'ai la chanson Évangeline ici, puis ma prof, elle a écrit, c'est ma chanson préférée sur la page parce que c'est une chanson qui était compliquée à apprendre, ça m'a pris du temps, puis je la déteste, puis je pense que je suis plus capable de la jouer, ça m'intéressait pas. Non, je l'essaye même pas, ça m'intéresse pas. OK, on tourne la page. L'autre, c'est Premier Noël, je l'ai joué tantôt. Ensuite, j'ai un bourré, un menuet, les embruns, un autre menuet. Bon, OK, on y va avec la chanson. Pourquoi, je sais pas pourquoi je suis au piano ce matin avec vous. OK, je vais déposer ça ici. Là, c'est une chanson qui a 1, 2, 3, 4. 4 pages. On va essayer de la jouer. C'est une des belles chansons que je joue. J'en joue 3 en ce moment. Assez bien. OK, on y va. Una Mattina de Ludovo. Je sais pas c'est quoi le reste de son nom. À la suivante. Dans ce temps-là. Hein? OK, plus tôt. Ça, c'est beau. C'est Alexandra Streliski qui... mes parents m'ont dit qu'elle a gagné au Gala de la Disque quelque chose. Mon prof aussi m'a dit ça jeudi soir, qu'elle a gagné artiste de je sais pas quoi, de l'année. Ou, en tout cas. Puis elle l'aurait... Ça serait la deuxième, troisième fois qu'elle gagne. En tout cas, elle fait des chansons vraiment merveilleuses. Lors du dernier podcast, je vous avais dit que je voulais apprendre une nouvelle de ses chansons. Puis le prof m'a dit que c'était trop difficile encore pour le niveau que je suis. C'était une chanson de son nouvel album. Je vais la voir là, le 25 janvier, mais bon, c'est trop difficile. Ma prof m'a donné d'autres choses. Je ne suis pas encore rendu là. C'était une chanson avancée et je ne suis pas encore rendu là. Je sais pas si je vous ai joué ma composition, la pièce que je travaille, puis j'ai trouvé un nouveau bout sur ma composition qui va super bien ensemble. Donc, je peux vous jouer le nouveau bout qui va bien ensemble, c'est ça. Je peux vous jouer tout de suite, là. Ça, c'est en jouant la chanson « Imagine » de John Lennon que j'ai trouvé des accords qui iraient bien avec ma chanson. Ça n'a rien à voir, tu sais, John Lennon, lui, c'est quelque chose du style... Attends. Lui, c'est là. C'est si, ré. J'y allais de mémoire. J'ai pas la pièce devant moi. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Il y a des accords là-dedans qui m'ont fait allumer sur des choses que pour ma chanson à moi. Donc, je joue mon bout de chanson. C'est ma composition. Voilà, c'est un peu ça. J'adore jouer ce bout-là, c'est tellement beau. C'est des accords que j'ai mis ensemble et que c'est ma chanson. Ça sonne bien. Je fais juste improviser avec les accords, puis ça sonne bien. Donc, c'est ça le début du Lobster 155. On écoute un peu de musique. Ah oui, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute les Deluxe. Ils viennent de sortir. C'est un groupe que j'adore, les Deluxe. C'est un groupe de Valleyfield qui joue un peu du rock. Puis ils viennent de sortir un album EP, il y a 4 chansons dessus, puis j'ai l'impression qu'ils ont fait ça homemade, là. Ils ont sorti leur album eux-mêmes sur Bandcamp, puis tout ça. Et eux, ils jouent un peu partout, ils jouent dans le Québec, ils vont en France, ils vont en Amérique latine aussi. Et bon, pour les encourager, j'ai acheté leur album hier, ça sortait sur Bandcamp, ça m'a coûté quoi, 5$ pour les 4 chansons. Donc, on écoute ça. Durant le Lobster, on va écouter les 4 chansons que j'ai achetées. Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. De retour dans ce Lobster 155.0. Oui, j'ai été un petit bout de temps sans pouvoir publier. J'en parlais un petit peu dans le dernier Lobster, là, mais c'est ça, le site archive.org où est hébergé le Lobster gratuitement. Là, c'est comme un site où on peut archiver les mémoires orales, vocales, les vidéos, ces genres de choses-là. Eh bien, il avait été attaqué par des hackers qui ont pris le contrôle du site. Puis à ce moment-là, ben, ils n'ont pas eu le choix, archive.org, de faire un shutdown puis d'essayer de remonter morceau par morceau tout ça. Puis quand ils ont remis en ligne la première fois, ben, les hackers ont repassé par la même place puis ont refait la même chose. Ils les ont remis down. Donc là, après ça, ça les a pris plus de temps là, pour regarder à tout ça. Là, je viens juste de m'apercevoir qu'ils ont remis la fonction téléchargement parce qu'ils avaient remonté le site, mais on ne pouvait rien pousser dessus. Je pouvais accéder aux vidéos des anciens Lobsters, mais là, maintenant, depuis avant-hier, je peux télécharger les choses dessus. Donc, j'ai repoussé le Lobster qui avait été enregistré pendant ce temps-là. Et donc, c'est ça. Donc, on est de retour. Donc sinon, on fête pas vraiment non plus la victoire de Trump, là. Ça, c'est pas trop un bel événement, là. Oh là là, moi j'aime pas cette personne-là, et malheureusement, on va être pogné avec lui pendant 4 ans, donc j'ai hâte de voir comment il va réussir à faire régresser la société durant ces 4 ans. Le soir de l'élection, j'écoutais Fox News et j'écoutais Radio-Canada sur Internet, les deux en même temps. J'écoutais principalement Radio-Canada. Fox News, c'est un poste, je pense, qui sont plus du côté de Trump, puis je m'amusais à regarder les commentaires que les gens écrivaient. Le premier commentaire, j'en ai gardé certains, là. Il y a un certain Boo Holly du Colorado qui, lui, dans les commentaires, il écrit « I'm still a virgin, je suis encore vierge à 33 ans, un vieux bachelier, mais j'ai voté Trump. » Après ça, il y a un autre qui s'appelle Nyoke Gojira qui, lui, écrit « Justice pour Peanut l'écureuil, Kamala va payer pour tuer des animaux. » Pour avoir tué des animaux. Là, je comprenais pas trop. Ça revenait souvent. Il y a plein de gens qui écrivaient des choses par rapport à Peanuts, puis justice pour Peanuts. Puis là, je suis allé lire. Peanuts, c'est un écureuil qui appartient à quelqu'un qui s'appelait Mark Longo. C'est un petit écureuil qui était son animal de compagnie depuis 7 ans. Et c'est ça, il semble que la justice de New York, pour une raison que je ne connais pas, ils ont saisi l'écureuil et l'ont euthanasié. Puis là, il y a plein de gens bon, qui disent que c'est de la faute à Kamala, de la faute du gouvernement des démocrates. Mais bon, c'est des niaiseries. Il y a un autre qui s'appelle The Who. Lui, il a dit « I had the bowel movement this morning and it was the same color as Trump's face. » Fait que j'ai traduit parce que je n'étais pas trop sûr, mais ça disait « J'ai eu une selle ce matin et elle était de la même couleur que le visage de Trump. Ça me faisait rire un petit peu. Il y a un autre qui a écrit, lui il s'appelle Richard Wyatt, et dit « Trump for world peace », Trump pour la paix dans le monde. Eh bien. Puis en gros, quand je regardais les commentaires qui n'arrêtaient pas de défiler à une vitesse fulgurante, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient du côté de Trump. Je voyais rien du côté de Kamala pour l'encourager. J'ai vu aussi passer un message en russe. J'ai dit « Ah, ça serait intéressant de le traduire » et ça disait en russe « Trump va gagner et Poutine est un champion ». Bon. Et le dernier que j'ai lu, une personne de Nang qui disait « God knows best for country, don't worry people ». Donc, Dieu sait ce qui est le mieux pour notre pays, ne vous inquiétez pas, et bon. Et là, j'ai arrêté de regarder ces commentaires-là, j'ai écouté sur Radio-Canada pas mal la soirée, jusqu'à, je vous dirais, 11h environ, où ce que beaucoup de résultats rentraient, puis là, j'ai eu des doutes quand... Au niveau de la Floride, l'animateur, pas l'animateur, là, mais un des personnes qui analysaient avec lui, je pense que c'est Michel Auger, disait que, bon, Trump rentre fort en Floride, puis là, ils ont attribué tout de suite la Floride, ils ont attribué les électeurs à Trump, mais là, quand ils analysaient les résultats, on voyait que Trump, il y avait des chiffres qui étaient beaucoup plus hauts que la dernière fois en 2016. Fait que là, je me suis dit, s'il faut qu'il y ait des chiffres beaucoup plus hauts, on est très mal parti. Et finalement, j'ai décidé de me coucher. D'arrêter d'écouter ça. Finalement, je suis tombé sur mes émissions de Netflix, là. C'est quoi que j'écoute? J'écoute Psy sur Netflix. C'est intéressant. C'est une série un peu comique. C'est quelqu'un qui est pas un mentaliste, mais quelqu'un qui a un gros sens de l'observation. Puis il travaille pour la police, mais il fait semblant d'être médium. Mais c'est juste parce qu'il remarque toutes les choses quand il rentre sur une scène de crime qu'il est capable de faire des déductions. Bref, c'est bien bon. J'écoute ça depuis un bout de temps. Il y a plusieurs saisons. Bref, le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que j'ai vu que Trump avait gagné, là... Bon, j'étais un peu découragé, mais je me suis dit, bon, on va faire comme la dernière fois, là. On désinstalle les applications de nouvelles sur notre téléphone. Et bon, pour un bout de temps, là, on va arrêter de regarder les nouvelles. Parce que c'est décourageant de savoir qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Parce que le problème, c'est qu'il n'arrête pas de nous en parler à nos nouvelles, à nous, là, même si ce n'est pas notre président. Moi, je ne veux pas entendre parler de lui. Mais bon. OK, je voulais pas parler de ça. Non, j'ai un beau sujet à vous parler cette semaine. Je suis allé à la bibliothèque, puis dans ce temps-là, ça me permet de regarder les revues qu'eux ont, puis sans les acheter. Il y a Science et Vie, l'actualité. Bon, il y a comme, ils en achètent une quarantaine, je dirais une cinquantaine. Puis cette semaine, dans une des revues dans Science et Vie, il y avait un article qui s'est dans la section Science et Fiction, puis ça disait « The Legend of Zelda ». Il disait dans Echo of Wisdom, qui sort le 26 septembre, c'est enfin la princesse Zelda qui part à la rescousse de Link dans l'univers magique du monde. En gros, les articles, c'est pour regarder si au niveau de la physique, ce qu'il y a eu dans les jeux de Zelda, si ça se tient ou non. Donc, ils disent « La série de jeux vidéo a bâti un univers où les lois de la physique, de la planétologie, voire de la biologie défient celles de notre monde. Mais jusque où? » Donc, ils ont regardé 7 choses qui sont faites dans les jeux de Zelda et ils les ont analysées. Donc, dans le premier, c'est marqué « Peut-on voler avec un simple planeur tenu à bout de bras? » Ça, le planeur, on l'a vu dans Breath of the Wild en 2017. Tu vois qu'il y a Link, on pouvait sauter là, des falaises, puis on sortait notre planeur, puis on planait un peu partout. Le planeur est tout petit et le planeur, on le tient à bout de bras. Donc, c'est deux choses qu'ils ont analysées. Ils disent, dans la vie réelle, ces planeurs existent sous la forme de deltaplanes. Bon, on connaît ça. C'est une aile incurvée qui permet de générer de la portance et donc de poursuivre un vol plané pour reprendre même de la hauteur grâce à la vitesse générée. Sauf que, bon, là, c'est là qu'ils analysent ce que Link fait. Sauf que, justement, celui de Link, qui est tout petit, ils disent « Avec un tel objet, on deviendrait un avion de chasse. » Ils disent « En effet, plus la voile est petite, plus la vitesse augmente. » Ils disent « Pour un pilote de 70 kg, là, dans la vie réelle, ils disent une aile intermédiaire a une surface de 14 mètres carrés, ce qui permet un vol de 30 à 60 km/h. » Donc, en deltaplane, c'est les vitesses qu'on atteint. Puis ils disent même les pros évitent de descendre sous les 13 mètres carrés de voile sur leur deltaplan. Puis là, ils font le parallèle avec Link. Ils disent celle de Link, c'est 3 mètres carrés. Donc, ils disent elle paraît donc trop dangereuse pour voler. Bon, ils disent ce qui pourrait peut-être aider Link, c'est qu'il tient sa petite voile au bout des bras. Je sais pas pourquoi ça l'aiderait, non, mais il dit « Cet exercice n'est certes pas impossible dans notre monde, mais très déconseillé. » Ils disent « Tout dépend de votre force musculaire. » Ils disent « Sur un deltaplane, on reste maintenu par une corde dans le dos, mais il est déjà arrivé des accidents où le pilote oublie de s'attacher et certains, donc, ont réussi à se maintenir par leur seul bras. » Donc ça, c'était le numéro 1. OK, maintenant, numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que des oiseaux peuvent descendre de poissons? Ils disent, au fil des différentes aventures de Zelda, les joueurs rencontrent divers peuples. Les auras, par exemple, sont des êtres humanoïdes aquatiques à la peau lisse et aux membres palmés, tandis que dans The Wind Waker de 2002 apparaissent les piafs aux larges becs qui volent grâce à leurs ailes et leurs plumes. Or, selon des textes retrouvés dans le jeu, les derniers pourraient être les descendants des premiers. L'évolution pourrait-elle faire passer des écailles aux plumes en quelques générations seulement? Ils disent qu'il n'existe aucune transition directe de ce genre. Ça, c'est un biologiste qui dit ça. Mais il dit tous les tétrapodes étaient bien sûr autrefois aquatiques. Les ancêtres des oiseaux, comme ceux des mammifères, amphibiens ou reptiles, sont en effet sortis de l'eau. Ils se sont d'abord adaptés à la terre ferme, puis aux arbres, puis au premier vol. Ce passage de l'eau à l'air nécessite quantité d'adaptation. Il faut une pression sélective. Et bon, bref, ils disent que ça se peut, mais ça prend plusieurs générations. Donc là, nous, dans les jeux, ils font passer de l'un à l'autre rapidement, mais bon, on s'en fout. Donc, de ce côté-là, c'est logique, ça se peut. Maintenant, 3. Peut-on être catapulté au-delà des nuages sans mourir? Ça, je ne sais pas c'est dans quel jeu. Ils disent Tears of Kingdom de 2023. Ça, je pense que c'est la suite de Breath of the Wild. Je n'ai pas joué. Ils disent dans le récent Tears of Kingdom, Link se propulse vers les îles célestes via des tours dotées d'un canon géant. En quelques secondes, le voilà au-dessus des nuages. Est-il vraiment possible d'atteindre une telle altitude de cette manière et sans mourir? Il dit, pour Rémi Canton, responsable des projets volabilité au Cadmos du CNES, tout dépend du niveau de survie supporté. Le risque vient surtout de la violente accélération au décollage. Donc, c'est quand ils disent que c'est dangereux. Lors d'un lancement avec les Falcon 9 et Soyuz, ça c'est les fusées, entre autres, les astronautes subissent des forces d'accélération de 2 grammes en moyenne avec des pics à 4 grammes au décollage, décrit l'expert. 1 gramme équivaut à la force d'attraction terrestre, soit 9,8 mètres seconde carrée, et les 4 grammes sont atteints dans les loopings de montagnes russes. Ils ne présentent donc pas de grand danger. Donc, ce que les astronautes y ressentent, c'est ce qu'on ressent dans les montagnes russes quand vous allez à la ronde. Puis là, ils disent, lors d'un rentrée atmosphérique, quand une capsule passe de l'espace à l'atmosphère, là, on a des pics à 10 grammes. Le record de résistance d'accélération, c'est bon, il y a quelqu'un qui, dans les années 40, qui est monté à 46 grammes pendant une seconde sur le dos et à 25 grammes sur le ventre. Il n'est pas mort, mais il a subi des troubles oculaires. Donc, ses yeux ont voulu sortir de sa tête, j'imagine. Là, ils disent, bon, ils reviennent à Zelda. En supposant que les nuages de Tears of Kingdom sont à une altitude basse de 3000 mètres, Link serait propulsé à environ 250 mètres seconde, soit 26 grammes. Donc, c'est pas impossible. Donc, Link pourrait survivre à ça. Nous, on pourrait survivre. Sauf qu'à cette force, la position du corps est primordiale. Allongé sur le dos, tout va bien. Mais Link, lui, décolle à la verticale. C'est le voile noir assuré. Le sang n'arrive plus à monter au cerveau et file vers les chevilles, ce qui va entraîner des pertes de connaissance. Bref, pour être certain d'être en mesure de dégainer sa paravoile une fois le pic du saut atteint, Link ferait bien de partir coucher. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est possible, mais que le sang irait dans nos pieds si on est debout au moment où on se fait tirer dans les airs. OK, bon, c'est intéressant. En numéro 4, un grappin portatif est-il réaliste? Ils disent « Un coffre au trésor, une musique entraînante, et à l'intérieur, l'emblématique grappin, quand on le trouve. » Bon, l'appareil consiste en un crochet relié à une chaîne, en le projectant sur un point d'accroche, un système S-Link vers le haut. Bon, ça, on l'a tout fait, là, c'est amusant, c'est le fun dans le jeu. On peut même tirer des objets, bon oui. Pour l'expert en simulateur d'escalade, Lionel Révéret de l'INRIA, cela revient finalement à hisser le poids de son corps rapidement, comme un athlète de vitesse hisse 70 kg à 15 mètres en 5 secondes. Pour un tel effort, il faut, d'après ses calculs, environ 2060 watts de puissance, soit la puissance d'une bouilloire. Donc, rien d'extravagant, donc en tout cas pour un objet secret trouvé au fond d'un temple ancestral. Mais est-ce sans danger pour l'utilisateur? Le risque n'est pas la vitesse, mais l'accélération, estime ce monsieur. Et d'ici le grappin commence par vous tirer lentement et accélère, pas de problème. Il faut une secousse violente d'au moins 1000 mètres par seconde carrée pour arracher un bras de 10 kg si la personne reste fixe. C'est énorme. Ling peut donc l'utiliser sans problème. Reste tout de même à anticiper l'arrivée, prévient le chercheur. La vitesse de Ling doit retourner soudainement à zéro. Cela peut faire très mal s'il n'a pas un moyen de ralentir sa course ou d'absorber le choc. Bon, ils disent en blague, sa tunique verte est-elle bourrée d'airbags? Donc, ils disent qu'il n'y a pas de problème, c'est juste que quand on l'utilisait puis on se faisait tirer dans le jeu, ils disent qu'au moment où Link y arrête, ben, pour passer à zéro, ben, c'est là qu'on se ferait mal. Maintenant, 5, qui est lié à Ocarina of Time de 1998. Depuis Ocarina of Time et jusqu'à Tears of Kingdom, le vénérable arbre Mojo incarne la sagesse des esprits de la forêt. Souvent, Link doit même le sauver de la maladie ou de la corruption, son état de santé se propageant à la nature aux alentours. Donc, si vous avez joué, vous vous en souvenez. Bon, est-ce que c'est une idée qui est proche de la réalité? Ils disent en 97, une étude parue dans Nature lançait un concept similaire, celui d'arbres-mères. Des arbres d'une importance si capitale que la forêt ne peut se passer d'eux. Leurs racines forment un réseau souterrain qui ressemble à un réseau de neurones. De fait, les arbres d'une forêt peuvent avoir des contacts grâce à un intermédiaire. On a effectivement montrer qu'un échange de matière pouvait survenir entre deux arbres par le biais de réseaux de champignons. Bon. Un champignon peut ainsi donner de l'eau à l'arbre le plus proche qui, en retour, lui fournit des sucres que le champignon utilisera pour des échanges avec un autre arbre. Et ainsi de suite tout le long de la forêt. Mais il ne faut pas tomber trop vite dans l'anthropomorphisme, prévient le spécialiste. Échange de matière, en effet, ne signifie pas échange d'informations. Il n'est pas question ici d'entraide généralisée. De plus, ce phénomène n'a été prouvé qu'en laboratoire dans des conditions précises et idéales, qui sont bien loin du milieu forestier. Donc, ils disent que c'est pas impossible, mais c'est pas exactement comme dans le jeu. Mais on s'en doute, ça reste un jeu. Numéro 6, on s'arrête à 7, il m'en reste 2 à vous lire. 6, les temples antiques sont-ils truffés de pièges? Je vais juste grossir un petit peu l'image, j'ai la misère à voir. C'est l'un des piliers de la licence Zelda. Des temples antiques qu'explore Link, enfouis sous terre, dans l'eau ou au creux d'un volcan, sont bourrés de pièges et d'énigmes que le joueur doit surmonter. Une idée qui n'est pas sans fondement. Les vrais trésors des temples et des pyramides attiraient les pillards au point que certains architectes prévoyaient des astuces pour les repousser. Dans la pyramide d'Amenhetat Ier à Lich, le plafond de la galerie qui descend vers le tombeau a été hérissé de cylindres massifs. Si des intrus s'y aventuraient, ils pouvaient finir écrasés sous l'un d'eux. Un traquenard vite déjoué par des voleurs qui ont creusé un trou pour réceptionner les cylindres. C'est d'ailleurs une grande différence entre le jeu et la réalité. Un mur peut être détruit, un plafond couvert de pics contourné. N'importe quel piège peut être évité, on cherchait surtout à empêcher les voleurs d'entrer. Les tombeaux, plus ou moins riches en or et provisions, étaient ainsi gardés et condamnés. Il existerait toutefois en Chine un lieu inexploré aux mille dangers, la tombe du premier empereur, célèbre pour son armée de soldats en terre cuite qui abriterait trésors et pièges. On parle d'une rivière de mercure ou de fléchettes empoisonnées, souffle le spécialiste. Peut-être de simples légendes, parfois tout aussi efficaces qu'un réel piège pour éviter les vols. Donc, il y a beaucoup de choses que c'est plus des légendes qui sont pas vraies, c'était juste pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils aillent voler les tombeaux des rois, des reines ou de je sais pas qui, des gens importants. OK, on passe au dernier. Celui-là, c'est par rapport à Majora's Mask en l'an 2000. On voit une belle image, on voit la lune qui est proche de la Terre, puis un bonhomme bizarre sur une roche. Puis le titre, c'est « Que se passe-t-il si la lune s'approche lentement de la Terre? » C'est le scénario catastrophe de Majora's Mask que la lune, dotée d'un visage cauchemardesque, menace de s'écraser sur le pays de Termina. Que se passerait-il si notre propre lune se rapprochait ainsi de la Terre? Rien de bon, c'est sûr. Sourit Simon Tortibel du CNES. Les effets seraient apocalyptiques. Songez que la loi des marées, ouais, c'est ça, je me disais, les marées sont régies par la. Sont affectées par la Lune, donc il y aurait des marées immenses si elle se rapproche, j'imagine. Ils disent l'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur nous est une loi cubique. Autrement dit, si la Lune passe de 400 000 km, sa distance actuelle, à 40 000 km, les effets sont multipliés par 1000. Les séismes arriveraient partout, puisque les plaques tectoniques se détendraient, donc ça affecte même le sol. Ils disent, sans parler des volcans, avec tout ce magma bousculé, sous terre, même notre atmosphère qui subit des effets de marée serait chamboulée. On verrait des vents monstrueux. La Terre et la Lune sont prises dans un couplage angulaire par effet de marée, ce qui signifie que si la Lune se rapproche, alors la Terre tournera plus vite sur elle-même. À 10 000 km, la Terre, une journée ne durerait ainsi plus que 6 ou 7 heures. Ça veut dire que si la Lune se rapproche à 10 000 km, on va se mettre à tourner vite, puis ça, on va tourner, au lieu de tourner en 24 heures, on va tourner en 6 à 7 heures, quand même. S'adapter à ces nouveaux horaires resterait bien secondaire. 10 000 km, c'est la limite de roche de la Lune, explique ça, je comprends pas pourquoi. À partir de là, tout ce qui se trouve sur le versant faisant face à la Terre, poussière ou cailloux, se met à nous tomber dessus. Hein? La Lune, elle, se décomposerait peu à peu jusqu'à risquer la rupture ou la chute brutale sur notre surface. OK, elle est tellement proche qu'il y a des choses qui tomberaient sur nous. Puis là, je vais juste relire l'autre bout. S'adapter, bon, c'est la limite de roche de la Lune. À partir de là, tout ce qui se trouve sur le versant faisant face à la Terre, poussière ou cailloux, se met à nous tomber dessus. OK, bon. Fait que ça joue beaucoup sur les lois de la gravité. Ils disent, ils font un parallèle, ils disent, heureusement aujourd'hui, la Lune s'éloigne d'environ 3,8 cm par an de la Terre. Oh, ils nous rassurent. Mais la Lune, elle se rapproche de Mars. Mais là, bon, ils disent, ça va prendre des milliers d'années. Elle se recule de nous, mais elle s'en va ailleurs. Bon, c'est pas... Donc voilà, ça finit un peu comme ça, l'article. Je trouvais ça intéressant de lire ça. J'avais-tu pris d'autres choses en note que je voulais vous parler? Je sais pas, je vais aller faire le tour. On repart en musique, on va écouter la deuxième chanson de nos amis des Deluxe. Si jamais ça vous intéresse, ils sont sur Bandcamp, juste à chercher les Deluxe. On les écoute. savez ce qui est arrivé à Eve quand elle a croqué dans la pomme? Elle a eu une grosse chiasse. Non, tu peux essayer encore. Elle a eu une grosse chiasse, elle avait plus de PQ? Non, c'est pas ça. Elle a eu la chiasse. Elle avait plus de PQ et elle était derrière une caisse sur le parking de Lidl. Ça m'excite. Non, tu donnes ta langue au chat? La langue au chat, d'accord, mais pas pour torcher le cul d'Eve. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à Eve quand elle a mangé la pomme? Elle a eu des pépins. J'ai une question pour toi, Chucky. Oui, je t'écoute. Si un aveugle prédit l'avenir. Genre un aveugle qui voit rien? Non, connasse, il fait exprès de trébucher. Bah bien sûr qu'il voit rien. Et donc si un aveugle prédit l'avenir, peut-on dire qu'il est voyant? Suite à son accident, Monsieur Mario est dans un coma très profond. Alors où on se parle, il y a très peu de chances pour qu'il revienne en vie. En 25 ans de karting, il n'a jamais glissé sur une banane. Pourquoi aujourd'hui? Dans ce speech, je suis au regret de vous annoncer que votre partenaire était sous l'emprise de stupéfiants. Oh non, il a pris des champignons. Non, il a sniffé de la poudre. De la poudre d'étoile. Regardez l'électrocardiogramme. Il a pris une sacrée poutrasse. Le docteur, il lui restait pas une vie au moins. Non, je suis désolé, monsieur Luigi. Game over. Qu'est-ce qu'on va faire, docteur? Vous avez deux possibilités, soit vous le débranchez puis vous le laissez partir, soit on le maintient en vie artificiellement, mais je peux vous garantir que plus jamais il ne criera « Yahoo !» Ni même « Here we go !» Mario a toujours été un héros, et il doit partir en héros. Oui, c'est ce qu'il aurait voulu. Débranchez le docteur. Lâche ce bouton tout de suite, enfoiré. Claude, calme-toi, s'il te plaît. Le médecin vient de nous annoncer que Mario ne s'en sortirait pas. Toi qui essaies de dire dis-donc, tu fermes ta gueule. Bon, je vais vous laisser décider en petit comité, je reviens tout à l'heure. Ouais, c'est ça, casse-toi. Toad, regarde-le. Finir ses jours dans un hôpital, tu crois que c'est ce qu'il aurait voulu? Ce qu'il aurait voulu, c'est une mort honorable. Vous croyez que je vois pas clair dans votre petit jeu, là? Bande de fils de... Après tout ce qu'il a fait pour vous. Tout ce qu'il a fait pour nous, tu parles, hein? Toutes les pièces d'or qu'il a amassées, moi j'en ai jamais vu la couleur. Écoute-moi bien, la salopette, si ton frère avait pas fait carrière, tu serais encore à quatre pattes en train de récurer des siphons. Arrête, Todd, je sais que c'est ton meilleur ami, mais nous aussi on l'aimait. Ah, toi tu l'aimais? Toi tu l'aimais? Tu vas me faire croire que les raccourcis que vous preniez avec Luigi pendant les courses, c'était pour gagner du temps peut-être? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Bon, Todd, on peut peut-être trouver un arrangement, hein? Ça m'étonne pas de toi, espèce de bâtard. Dès que ton frère a eu le dos tourné, qu'est-ce que t'as fait? T'as lancé ton jeu solo, non? Toad, toi aussi tu peux voir ton jeu en solo, hein? Imagine, super Toad Kart! Waouh, c'est super original, moi j'ai déjà envie d'y jouer. Je l'ai déjà, mon jeu! Capitaine Toad Trésor Tracker! Capitaine Toad quoi? Bah voilà, personne s'en souvient! Par contre, tout le monde se souviendra que c'est vous! Que c'est vous les assassins de Mario, bande de traîtres! Non! Nous, assassins, non, quand même! T'as toujours été jaloux de ton frère! Dans le fond, je crois que t'as vraiment jamais digéré que personne te choisisse à Mario Kart. Et alors là, quand t'as appris que t'étais pas sur la couverture de Smash Bros, là, t'as pété un plomb. C'est toi. C'est toi qui as lancé la peau de banane pour provoquer l'accident. Ok, j'avoue, c'est moi, ouais. Mario, c'était un putain de mégalomane. Il n'avait que pour sa gueule, là. 200 jeux à son nom. Mario Party, Mario Tennis, Mario Octogone. Ouais, puis j'étais un putain. Tous les matins, il se prenait 100 grammes de champignons et 2 traces de poudre d'étoile. Il était devenu ingérable. Il était devenu ingérable. Bravo. Bravo! C'est ça ton discours à l'enterrement, connasse! Hé, hey, Nain Jardin, tu t'excuses tout de suite auprès de Peach, sinon c'est toi qui finis en coma, compris? Mais qu'est-ce qu'elle a la petite affaire? J'avais le battre, c'est ça? Mais vas-y, viens! Tu arrêtes, tu as aucune chance, et puis t'es ridicule! C'est moi qui suis ridicule! Excuse-moi, mais c'est pas moi qui me fais kidnapper tous les ans par une tortue déguisée en dinosaure! Espèce d'attardée! Je suis pas une attardée, je suis une princesse! Princesse Peach! Princesse Peach? Princesse Peach, ouais! Oh! Mais attendez! C'est bon, vous avez décidé? Oui! Oui. Non, parce que le notaire de Monsieur Mario attend de savoir s'il verse les 14 milliards de pièces d'or sur le compte de son meilleur ami. Il est mort en héros. C'est ce qu'il aurait voulu. Je lègue de manière exclusive et sans partage l'ensemble de mes biens à mon partenaire de vie, mon meilleur ami, mon frérot. J'ai nommé le seul, l'unique. Oh là là. Est-ce que t'as garé le kart? Bon, pas loin. De retour dans ce Lobster 155.0, où on se pose une question. Si les systèmes planétaires sont si abondants, et compte tenu des milliards d'années qui se sont écoulées depuis la formation de l'univers et de notre galaxie, ainsi que du potentiel de développement technologique des civilisations intelligentes, Pourquoi n'avons-nous toujours pas rencontré de civilisation extraterrestre? Eh bien, pourquoi je nous pose cette question? Eh bien, c'est parce que je veux vous parler d'un article que j'ai lu sur le site trustmyscience.com. Je ne sais pas si c'est un site qui est bien, bien fiable, là, mais c'est un article que je trouvais intéressant. Il disait, si nous n'avons toujours pas vu d'extraterrestres, c'est peut-être à cause de la limite universelle de développement technologique, suggère un chercheur. Ça, en anglais, il appelle ça le ULTD. Donc, c'est un chercheur qui s'appelle Antonio Gillis Filio, diplômé en médecine et chercheur en politique à la fondation JTD, peu importe, qui dit « Si l'hypothèse ULTD est correcte, il n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura jamais quelque chose comme une civilisation interstellaire ou quelque chose de similaire à une conversation interstellaire. » En conséquence, l'expert suggère que nous devons être prudent dans la supposition selon laquelle notre potentiel de développement technologique est illimité. En gros, ce qu'ils disent dans l'article, là, si je vous fais un petit résumé avant d'en parler, c'est que même si on continue toujours à se développer, on va atteindre des limites qui font que théoriquement, c'est pas possible de se déplacer là, dans une autre galaxie. Donc, même si on développe nos technologies, on ne pourra pas peut-être aller à une vitesse aussi vite que dans Star Trek. Donc, on peut l'imaginer, mais scientifiquement, peut-être qu'il y a des limites à ce que la science, ce qu'on peut faire avec. Donc, même si on arrive à se développer à un point tel qu'on découvre le voyage dans l'espace, probablement qu'on ne sera pas capable d'aller à des vitesses qui vont nous permettre de nous rendre où il y a des nouvelles civilisations. Donc, si on regarde un peu l'article, ils disent un potentiel de développement limité à notre système. Ils disent il existe des limites naturelles à notre technologie et aux connaissances qui nous sont accessibles, principalement en raison de notre biologie ou de la limitation de nos ressources. Il nous est par exemple impossible de voyager à une vitesse supraluminique ou d'observer les organismes microscopiques ou les objets astronomiques éloignés à l'œil nu. Bien que différentes technologies permettent désormais de surmonter certaines de ces limites, elles ont un coût toujours plus élevé. Donc là, il donne des exemples. Il dit par exemple la construction du grand collisionneur de Hadron a par exemple lui coûter 4,7 milliards de dollars, tandis que 1 milliard de dollars par année sont nécessaires à le faire fonctionner. Donc, ce qu'ils disent, c'est que ce collisionneur-là qui nous permet, je pense, pour regarder des affaires super petites, là, découvrir des nouvelles affaires, ben, ça coûte extrêmement cher à opérer et à un moment donné, on va atteindre des limites où on ne voudra plus payer pour ça. Là, ce qu'ils disent, cependant, bien que ces technologies aient amélioré notre compréhension de l'univers et des phénomènes physiques qui la régissent, les dernières grandes avancées qui ont véritablement révolutionné le monde y dateraient presque de 100 ans selon chercheurs. Malgré les ressources astronomiques qu'on investit, il dit notre évolution technologique semble stagner. Il suffit de comparer l'évolution scientifique de 1830 à 1930 ou qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de théorie de l'évolution, pas de théorie de l'électromagnétisme. La relativité, la mécanique quantique était déjà là. Et de 1930 à 2024, toujours pas de théorie unificatrice pour se rendre compte que le rythme des progrès ralentit. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'innovation dans une période comme des années 1830 à 1900X, alors que maintenant, même si on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup, bien, les avancées sont quand même limitées. Puis là, il dit, cela pourrait nous amener à penser que les coûts investis deviennent trop élevés pour les connaissances ou l'évolution obtenue, ce qui pourrait finalement amener à ralentir, voire cesser notre développement technologique, sans compter que des abandons de projets potentiellement révolutionnaires sont abandonnés car ils sont considérés comme trop coûteux. Donc voilà, il dit, d'après l'expert, toute civilisation intelligente serait à un moment donné confrontée au même scénario. Chaque civilisation atteindrait ainsi un point où son potentiel de développement technologique stagne et peine à franchir l'étape suivante sans investir des ressources considérables. Cette limite se situerait en dessous de la capacité à s'établir à l'échelle d'une galaxie, ce qui pourrait ainsi expliquer pourquoi nous n'avons jamais croisé d'autres civilisations intelligentes. Donc c'est ça sa théorie. Moi, j'ai lu ça dans l'article, je trouvais ça intéressant, mais bon, c'est pas sérieux, là, d'après ce que le chercheur il disait après ça, celui qui analysait les rapports. Mais il dit que c'est pas une théorie nécessairement qui est adoptée par les autres chercheurs, mais bon, moi je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Aussi, dans l'article qui parlait de l'ISS, là, je ne vous ai pas lu tout ce qu'il disait, mais quand je suis allé à la bibliothèque, j'ai trouvé un article dans la revue Québec Science, qui, c'est la revue d'octobre à novembre 2024, qui parlait justement de l'ISS. Ça, c'est la station spatiale qui est dans l'espace. Puis, qu'est-ce que ça disait? Ils disent, après plus de 20 ans de service, la station spatiale internationale s'apprête à tirer sa révérence. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, elle est en fin de vie et c'est vers de 2030 là, qu'ils prévoient la parachuter sur Terre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Tout finira donc entre les mains de SpaceX, à qui la NASA a octroyé un contrat de plus de 800 millions de dollars américains. Sa mission, à partir de 2030, pousser vers la Terre cette structure de 110 mètres de long et qui pèse 430 000 kilos. Là, ce qu'ils veulent faire, ils veulent qu'elle atteigne l'atmosphère et ils brûlent en majeure partie. » Quand ils vont la pousser, ils ont fait des calculs, elle devrait atterrir à Mar-a-Lago, exactement où ce que Trump il a son terrain de golf, puis ils ont prévu là, de l'envoyer au moment où il serait en train de jouer. Donc, 2030, on devrait être débarrassé de Trump si jamais personne ne le tire avant ça. La station, ben, ils ont prévu de l'envoyer sur lui, sur son terrain de golf. Ils disent « La manœuvre complexe sera effectuée par une capsule bâtie sur le modèle des Crew Dragon qui ravitaille déjà la station, mais avec 46 moteurs au lieu de 16 habituels pour pouvoir pousser cette construction la plus grosse jamais bâtie hors de la Terre. Le plan de désorbitation a été précisé en juillet par l'agence américaine. Ils disent que ça va prendre de 12 à 18 mois. Ils vont la faire passer de 400 km d'altitude à environ 280 km. » ils disent qu'il faut, savoir qu'elle est toujours repoussée par des vaisseaux cargo plusieurs fois par an pour compenser la perte régulière d'altitude. Ah, fait que chaque année, il la pousse pour pas qu'elle prenne un orbite trop bas. Ils disent le dernier équipage ne quittera les lieux que 6 mois avant l'entrée finale dans l'atmosphère. C'est à ce moment-là que le véhicule de SpaceX effectuera une série de poussées pour la désorbiter. Là, ils disent, en gros, plus de 250 membres d'équipage de 20 pays y ont séjourné depuis novembre 2000. Ils disent, le retrait d'un monstre comme l'ISS s'inscrit dans une démarche environnementale qui vise à ne pas générer davantage de débris dans l'orbite terrestre. Là, ils parlent de ce qu'on a déjà parlé, là, qu'il y a plein de débris autour de la Terre qui tombent partout, puis que quand ça se met à se collisionner entre eux, ben ça en fait de plus en plus, puis ça finit par péter les satellites qui sont en orbite. Ils disent qu'il y aurait déjà 130 millions de débris spatiaux là, de plus de 1 mm qui polluent les alentours de notre planète. Bon. Les agences spatiales prennent le problème au sérieux. L'Agence spatiale européenne a adopté une charte des ondes. Oh, ça, je n'ai déjà parlé des débris. Je veux parler de l'ISS. Ils disent « Le destin fatal de l'ISS ne plaît toutefois pas à tout le monde. L'engin symbolise aussi la coopération entre les nations et certaines personnes considèrent sa destruction comme un gâchis. » Dans le journal français Le Monde, un duo d'anciens dirigeants de la NASA et de l'ESA a signé en juillet une tribune demandant que cette structure soit placée sur une orbite plus éloignée où elle ne gênerait personne. Pour à peu près la même quantité d'énergie, la capsule fournie par SpaceX pourrait pousser la station dans l'autre sens jusqu'à 800 km d'altitude. La station fantôme pourrait alors rester en orbite pendant des dizaines d'années. Ainsi, les auteurs, les générations futures, pourraient décider de la meilleure façon d'utiliser les 450 tonnes de matériel déjà présentes dans l'espace, soit la demi-kilotonne de ressources spatiales la moins chère à laquelle l'humanité aura accès. Donc, il y a des chercheurs qui se disent « Pourquoi on ne le garde pas en orbite? Il y a des matériaux, il y a plein de choses là-dedans. » Puis ça a coûté cher monter ces choses-là. Le coût de monter une livre en orbite est super cher. Donc, ils disent, pourquoi on ne fait pas juste le pousser un petit peu plus loin? Puis quand on aura besoin, puis qu'on aura de nouvelles technologies, peut-être, eh bien, qu'on trouvera à l'utiliser. C'est pas fou. C'est pas fou comme idée. Donc, voilà. C'était notre petit dossier sur l'espace. On retourne un petit peu en musique et au retour, la fin du Lobster. Of your station, emergency intervention. Pour finir ce Lobster, je voulais vous parler d'un beau film que j'ai écouté sur Netflix. Je pense pas que vous l'avez écouté. On écoute la bande-annonce. Ben, si vous l'avez écouté, vous allez le reconnaître. Ye hamra dost hai, Deepak Kumar. Kal raat ko vida kara ke wapas laut raha tha, to rasta mein iski biwi kho gayi sir. Kaise hue? Matne saath se try kar rahe hain. Sasuri khoi hai nahi jayega. Ce film, si vous l'avez reconnu, ça se nomme La Pata Lady. C'est sur Netflix que j'ai trouvé ça. C'est un film qui est en hindi, en indien. La traduction, c'est Lost Lady, les femmes perdues. Bon, c'est la description, c'est une comédie dramatique. C'est un film en hindi de 2023. Il raconte l'histoire de deux jeunes mariés, récemment mariés, qui sont échangés lors d'un voyage en train vers la maison de leur mari. Donc, ça commence, tu vois, Tupac, il se marie avec une fille, puis là, ils partent pour retourner dans son village à lui, avec sa jeune épouse. Puis là, sa jeune épouse, ben, c'est une Indienne comme lui, puis elle porte un voile, un saré sur la tête. Puis j'imagine que c'est la période des mariages, parce que dans le train, il y a plein d'autres jeunes femmes avec le même linge, avec le même voile sur la tête, puis c'est tout pareil. Puis là, durant la nuit, Tupac, il se réveille, puis il se rend compte qu'il est rendu à l'arrêt de train où ce qu'il doit débarquer pour son village à lui. Donc, il fait signe à son épouse, il tape sur la jambe, puis il dit « débarque ». Mais là, après ça, il se rend à la maison, puis quand il arrive à la maison, il se rend compte, elle enlève le voile, mais c'est pas la bonne femme. Fait que tout le film est autour de ça. Fait que c'est vraiment bon. On écoute un petit peu la musique, juste pour vous montrer la musique qu'il y a dans ce film-là. सजनी रे कैसे कटे दिन रात कैसे हो तुझसे बात तेरी याद सतावे. Donc voilà, ça vous donne une petite idée là, de la musique qu'on a en arrière-fond là, dans le film. C'est de la belle musique. Et bon, c'est pas un film Bollywood là, où il y a de la danse. Ça, il y a aucune danse dans ce film-là. Il n'y a aucune musique. Là. La musique, c'est juste en fond là, pour souligner certains passages plus dramatiques. Là. Cette chanson-là qu'on écoutait, c'est quand Tupac il est un petit peu triste là, d'avoir perdu son épouse. Puis ce qui est drôle dans le film, c'est que bon, son épouse à lui, ben, qui est oubliée dans le train, elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se rendait, est un peu jeune et naïve, donc elle est complètement perdue, puis je vous dis pas où est-ce qu'elle va se ramasser. Pis c'est ça, moi ce que j'aime bien de ces films internationaux, c'est que c'est pas la recette d'Hollywood. Je le dis souvent, là, tu peux pas savoir où ça s'en va, là, un film international. Hollywood, c'est tout le temps la même recette. Tandis que là, t'écoutes ça puis t'as aucune idée où ce qui t'amène, puis c'est ça que moi je trouve beau dans ces films là. Donc c'est ça, ça s'appelle La Patasse Lady. C'est pas vraiment dramatique, c'est juste beau. Il y a même des moments comiques. Moi, puis là faut que tu l'écoutes en indien, en hindi. C'est encore plus beau là, d'entendre leur accent. Je pense qu'il y a des sous-titres en anglais seulement. Moi je fais quand même ça assez souvent, écouter des films d'ailleurs dans la langue d'origine. Je mets les sous-titres là, qui sont disponibles soit en anglais ou en français. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre dernièrement? Oui, j'ai écouté justement dans ce style-là un film international. C'est un film d'horreur. Moi, je suis pas capable d'écouter de films d'horreur d'habitude. Ça me rend malade. Mais dernièrement, j'en ai écouté un. Mais bon, c'était un film d'horreur indien, donc c'était juste drôle. C'était pas vraiment horreur. Là, j'ai cherché le nom pour vous en reparler, puis je le trouve pas. Mais en gros, c'est comme une madame là, qui est morte, puis qui vient hanter quatre amis. Les trucages sont mauvais. Le mieux qu'elle fait, ben, c'est de flotter dans les airs. Là. Puis ça se passe tout dans des maisons en bambou en Inde. En Inde, non, peut-être pas en Inde, au Vietnam. Puis c'est comme un peu ridicule tout le long. Là. Il y en a un qui fait du karaté pour se défendre, puis l'autre... qui était marié à cette femme-là, il s'en rend pas vraiment compte, là, jusqu'à un moment donné où il couche avec. Là. C'est un peu... c'est de l'horreur comédie, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas un film d'horreur. Je dis, j'ai écouté un film d'horreur, mais c'est de la comédie horrifique en langue indienne. C'est un peu pour ça là, que c'était pas épeurant. Là. C'est plus une comédie. Donc, j'ai pas vraiment écouté un film d'horreur. Mais bon, si je retrouve le titre, là, je vous le dirai. C'est quand même comique à écouter. Là, j'en ai débuté un nouveau qui se nomme Katal. C'est encore un film en indien. C'est l'histoire d'une policière indienne qui doit enquêter sur la disparition de deux fruits du jaguar. Bon, il y a un arbre, là, un jaguar, qui a perdu deux de ses fruits, puis elle doit enquêter là-dessus en campagne. Puis la policière est cute, fait que c'est sur la bande-annonce, fait que je me suis lancé là-dedans. J'ai un 10 minutes de débuter, puis tout ce qui se passe, c'est qu'ils embarquent dans une vieille voiture, puis là, ils sont dans la campagne indienne. Puis là, on sait pas ce qui va s'en, où ce qu'elle s'en va. Puis c'est intéressant. Moi, j'aime ça, là. C'est des films relax, un petit peu, là. Sinon, c'est ça, je viens de retrouver en cherchant le film Katal. Là, j'ai vu dans les propositions qu'il me disait des films que j'avais vus. Le film, la comédie horrifique, si jamais vous voulez l'écouter, ça s'appelle Antu Kak Lima. Puis le synopsis, ça disait « Kak Lima décède après son mariage avec Kuda et devient un esprit maléfique qui vient hanter les villageois. Ils essayent de la chasser avec beaucoup d'esprit. » Puis c'est écrit « Ce film est farfelu. » Donc, quand vous voyez cet attribut-là sur les films, ce film est farfelu. Pour moi, c'est un gage de succès. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Je vous encourage là, à aller écouter La Pata Ladies. J'ai vraiment apprécié ce film-là. C'est un film, là, j'y vais de mémoire, mais qui a gagné en Inde pour meilleur film en 2023 dans un concours. Puis c'est ce film-là qui va les représenter aux Oscars, je crois, pour 2024. Si c'est passé les Oscars, ben c'est ce film-là qui représentait. Donc, c'est quand même un film qui est magnifique, tout simplement. Puis là-dedans, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Il y a des policiers impliqués pour essayer de retrouver les mariés, puis tout ça. Puis c'est drôle comment ça s'en va exactement pas où on pensait. C'est ce que je vous disais. C'est pas la recette Hollywood. Tu sais, à Hollywood, on verrait probablement un policier un peu corrompu, puis nanana. C'est l'allure qu'il donne, mais en tout cas. Moi, j'ai été surpris tout le long du film. Donc, c'est un beau petit film. Je vous le redis, là, La Pata Ladies. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit bientôt. Le prochain Lobster devrait sortir dans pas trop longtemps. Puis surtout que maintenant, je pense que je suis en rémission de ma blessure due à l'artefact maudit, là, mon chapelet qui m'a fait tomber en forêt puis qui m'a amené là, à avoir la jambe blessée. Et bien, finalement, j'ai décidé d'aller voir un archéologue. J'ai juste des noms en rogue. Ok, c'est quoi le nom? Un physiothérapeute, voyons, ça m'a pris du temps de trouver. J'ai eu une visite, j'ai eu un rendez-vous avec un physiothérapeute et d'après lui, mon problème, c'est un problème nerveux vu que mon problème se situe en surface. Puis lui, ce qu'il a fait, il m'a étiré la jambe, il m'a étiré les muscles au niveau là où j'avais mal. Puis tout de suite, durant la première séance, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai dit « Bon, d'où? » J'ai dit « J'ai l'impression que tu viens de régler mon problème. » Puis le soir, quand je suis revenu à la maison, là, j'avais deux fois plus mal. Mais en fait, c'est parce que je pense qu'il avait étiré le muscle comme il faut, puis que c'est en train de se détendre ou je sais pas quoi. Puis là, il m'a donné un exercice à faire. C'est toujours le même exercice pour étirer mon muscle de ma jambe. Puis depuis que je fais ça, ça va faire quasiment une semaine que je suis allé. La douleur est quasiment complètement disparue. Aujourd'hui, je pense que j'ai marché 5 km. Là, faudrait que je me calme, là, mais je veux comme tester jusqu'où je peux aller. Il m'a dit de marcher, mais il faut pas que ça fasse mal. Au début, je marchais 2 km, puis là, je suis obligé de ralentir, mais là, j'ai plus besoin. On dirait que c'est en train de partir. Fait que c'est ça. Donc, je suis guéri. Je suis un être renouvelé, un renouveau. Ah oui, ça me fait penser à ce que je vous en parle. Ah, c'est une niaiserie. L'autre jour, je suis tombé sur... c'est long à parler. Je l'ai-tu là? Ouais, c'est ça. Il parlait de ça dans les nouvelles. Il y a quelqu'un qui... c'est une des religions qui gagne le plus d'adeptes aux États-Unis en ce moment. C'est comment ça s'appelle? C'est le pastafarisme. Pasta, c'est pour pâte. C'est le monstre du spaghetti volant. En gros, c'est un professeur. Je ne sais pas s'il est en théologie ou en philosophie, mais aux États-Unis, il était comme en train de passer des lois pour dire qu'il devait qu'à l'école, il fallait qu'il enseigne telle théorie ou telle théorie. Puis là, dans la loi, il était en train d'inclure qu'il devait enseigner des théories en lien avec les religions. Donc, les théories là, liées avec ce que Dieu a créé le monde, tout ça. Puis là, lui, il s'est dit, ouais, mais ça n'a pas de bon sens d'enseigner ça à l'école. C'est pas ça qu'il faut enseigner. Là. On faut pas... L'école, il doit être agnostique. Là. On ne doit pas avoir venir mélanger la religion avec ce qu'on enseigne. Là. Fait que là, lui, ce qu'il a fait pour protester, c'est v'là quelques années. Là. Ce qu'il a fait pour protester, c'est qu'il s'est décollé une religion, le pastafarisme, puis c'est comme une parodie de toutes les religions. Puis qu'est-ce qu'il dit? Bon, il a comme donné des lois en lien avec sa religion. Par exemple, la première, c'est « Prenez la décision de rejoindre l'Église ». C'est très simple. Selon le site officiel de l'Église du monstre volant spaghetti, pour devenir pastafarien, il vous suffit de le vouloir. Vous n'avez pas besoin de participer à des cérémonies, pas besoin de payer de cotisations, pas besoin de faire des promesses ou des déclarations de foi, pas besoin de vous d'abandonner votre foi actuelle, pas besoin de connaître le pastafarisme. En gros, c'est tout l'inverse. C'est comme pour ridiculiser un peu les religions. La deuxième loi de ces affaires, familiarisez-vous avec les croyances fondamentales du pastafarisme. Donc, c'est juste d'apprendre que le monstre volant en spaghetti, c'est le dieu suprême de cette religion. Il est invisible, il est présent et omnipotent. Il a la forme de spaghetti volant avec deux boulettes de viande pour les yeux. Il a créé l'univers tout entier en 4 jours, puis il s'est reposé pendant les 3 autres. Dans sa religion, les pirates sont considérés comme des êtres sacrés. Selon cette religion, ils contribuent à lutter contre le réchauffement climatique et protègent contre les catastrophes naturelles. Donc, chaque pastafarien doit s'efforcer d'être un pirate. Le paradis des pastafariens est un monde de volcans de bière et d'usines, d'effeuilleurs et d'effeuilleuses. Bon, ça c'était pour le texte numéro 2. Le texte numéro 3, étudie les textes sacrés du pastafarisme. Fait qu'il a écrit quelque chose qui s'appelle le canon libre. En anglais, c'est The Loose Canon. C'est un texte sacré du pastafarisme. Ils ont un site pour... Mais c'est rempli de niaiseries, là. C'est le capitaine Jeff qui aurait écrit ça. Bon, ça fait pas sérieux. Après ça, appliquer les principes du pastafarisme. Il y en a 8 pour 8 principes dans les affaires. Le premier, il dit « Je préférerais vraiment que vous évitiez d'être un moraliste cubéni quand vous prêcherez ma bonté nouillesque. » En 2, vous devez pas dire que vous faites partie de cette religion-là. Vous devez... éviter de juger les gens sur leur habillage, leur langage. Aussi, en fait, dans tous ces textes, c'est dit « Je préférerais vraiment que vous évitiez de faire telle affaire. » Fait qu'il veut tout, lui, il dit pas quoi faire, il dit quoi pas faire. En 4, éviter d'avoir des comportements dégradants. En 5, éviter de vous habiller en sectarisme, avec du linge de sectarisme. Bon. Après ça, en 7, évitez de dire que je vous exhorte à tout propos. Je sais pas ce que ça veut dire. Espérez plus de vous-même, et je vous le dis, de l'amour de votre semblable, ne pouvez-vous pas prendre conseil? Et finalement, en 8, je préférerais vraiment que vous évitiez de faire aux autres ce que vous ne voudriez pas pour vous si vous étiez dans des trucs à base de pas mal de... Hein? On recommence, ok? Ça a l'air ridicule. Je préférerais vraiment que vous évitiez de faire aux autres ce que vous ne voudriez pas pour vous si vous étiez dans des trucs à base de pas mal de cuir lubrifiant vaseline. Si l'autre personne est là-dedans, toutefois, prenez-le comme ça vient, faites-vous des films et pour l'amour de sa lubricité cosmique, sortez couvert. Franchement, ce n'est qu'un morceau de caoutchouc. Si j'avais voulu que ça puisse restreindre votre plaisir quand vous l'avez conçu, j'y aurais rajouté des pics ou autre. En tout cas, vous voyez, c'est le genre de religion un peu conne. Si je descends en bas, bon, pour devenir un maître, choisissez votre secte pastafarienne. Les pastafariens qui peuvent approfondir leur foi ont la possibilité d'adhérer à une secte. Les deux sectes principales sont la secte orthodoxe et la secte réformée. Bon, ça c'est un peu pour dénoncer j'imagine, les deux types de religions aux États-Unis. Ça, on va sauter, ça ne m'intéresse pas. Faites-vous ordonner prêtre pastafarien? Ah oui, c'est ça. On peut rentrer dans leur religion pour 25 euros. En canadien, j'ai regardé, c'était 50 US. Puis aux États-Unis, t'as le droit de marier du monde. C'est un peu comme ça que je suis tombé là-dessus parce que mon ami Martin s'est marié dernièrement. Puis moi, je me souvenais que moi, à mon mariage, j'étais un célébrant. Là, Martin aussi, c'était un célébrant. Il a été marié par le maire de sa ville. Puis moi, à mon mariage, le célébrant était arrivé en retard. Puis là, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Je me disais, si son célébrant n'est pas là, est-ce que moi, je pourrais le marier? Parce que je connais quand même un bout du mariage. On peut dire « passe la bague, puis je vous déclare mari et femme ». Quand tu sais ces deux bouts-là, ben j'imagine que tu peux marier quelqu'un. Là. Fait que là, j'étais juste curieux de savoir au Canada, puis au Québec là, précisément, qui pouvait marier. Mais pour faire ça, ce que j'ai lu, bon, nous, il n'y a aucune religion, là, aucune, y a pas, le pastafarien n'a pas le droit de marier, là, même si la religion existe ici. Là, pas le droit de marier du monde. Il y a juste les religieux catholiques, les prêtres qui peuvent marier, puis sinon les célébrants, mais pour devenir célébrant, t'as quand même des papiers à remplir pour le devenir. C'est pas n'importe qui peut marier du monde. N'importe qui peut marier du monde s'il remplit quand même la paperasse administrative pour le faire. Donc n'importe qui pourrait, en suivant un genre de cours, j'imagine, devenir célébrant ou ah oui, c'est ça, ça doit être des documents du gouvernement parce que durant une messe, quand c'est un célébrant, il y a des textes qu'il doit lire qui viennent de l'État, puis c'est ça qui rend le mariage légal. Donc c'est là-dessus que en faisant ce check-là que je suis tombé sur le pastafarien. Donc c'est ça. Quelle belle façon de conclure le lobster. Donc voilà, vous savez, je vous parle de temps en temps de mon jeu Cité, le jeu que je suis en train de pas mal d'achever. J'ai 499 cartes de terminer, c'est l'ensemble de mes cartes. Je vais me rendre à 500, là, j'ai laissé de la place pour en faire une dernière pour me rendre à 500, mais les cartes sont terminées. Je suis en train de corriger en ce moment. J'ai déjà fait une passe dans tout le jeu de reviser toutes les cartes parce qu'il faut que les textes, quand je dis par exemple... un citoyen gagne +1/+1, ben il faut que je le dise de la même façon sur toutes les cartes. Le texte doit être semblable pour que ça soit simple à comprendre. Donc, je suis en train de tout reviser les mots de verbe que j'utilise sur les cartes. Je les ai notés, puis je me donne comme une liste que j'ai le droit d'utiliser, puis les autres, j'y remplace par ceux de la liste. Donc, où je m'en allais avec ça? Ah oui, je disais que je me suis justement créé une carte de monstre. En spaghetti volant dans une de mes couleurs de jeu. Voilà, donc c'est ça qui mettait un terme à ce Lobster 155. Merci de m'avoir écouté. Donc on se revoit bientôt. Bye bye. I've always been the one. bad.